7-23. Observation, interrogation et inversion. Déclaration. Il est sportif. Interrogation. Est-il sportif? Elles sont sportives. Sont-elles sportives? Vous avez le temps. Avez-vous le temps? Tu as le temps. As-tu le temps? Notez que dans les questions 2, 4, 6 et 8, l'interrogation est marquée par la place du pronom personnel sujet. Il, elle, vous, tu. Le pronom personnel sujet est placé après le verbe. Notez que le pronom est rattaché au verbe par un trait d'union. Notez que dans les questions 2 et 4, il y a liaison du T de « est » et « son » avec la voyelle des pronoms « il » et « elle ». On prononce « est-il »,« sont-elles » avec un « te ». Observez. Robert est sportif. Robert est-il sportif ? La jeune fille est sportive. La jeune fille est-elle sportive ? Dans ces phrases, le sujet n'est pas un pronom, mais un nom. Dans les phrases 10 et 12, le nom est placé avant le verbe. Mais l'interrogation est marquée par l'addition d'un pronom sujet, redondant, après le verbe. Conclusion générale. Dans les phrases 2, 4, 6, 8, 10 et 12, l'interrogation est marquée par la présence d'un pronom personnel sujet après le verbe.